rapmillions.com. Sino Mafia Volume 1. J'ai commencé en bas, j'ai terminé en haut. J'ai sorti mes armes, ils sont tombés dans l'eau. J'ai sorti ma matraque, ils ont perdu leur crack. Mafia africaine, genre mafia algérienne. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. On a rayé ta caisse, elle est trop moche. Où est le shit? Dans la sacoche, les salopes me cherchent avec des lampes en torche. J'roule à 1000 km/h en Porsche, en Ferrari, en Bentley, on est toujours hal. Les putains bien, ce qui fait trop mal. Mafia algérienne, dite mafia africaine. On bousille la République dominicaine. Les rageux, je les enterre, du 19 jusqu'à l'enfer. Ils prennent trop la confiance, la vie n'a plus de sens. Sino t'a remplacé, mes condoléances. Sino MAC, mafia anti-chien. T'as pris mauvais chemin, mixtape volume 1. T'écoutes du bon son, j'suis 19 à Besançon. Un dernier message, te conseille de rester sage. Pendant qu'on torture, on me fait des massages. J'ai commencé en bas, j'ai terminé en haut. J'ai sorti mes armes, ils sont tombés dans l'eau. J'ai sorti ma matraque, ils ont perdu leur crack. Mafia africaine, genre mafia algérienne. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Maintenant t'as plus de chance, tu reviens d'une longue absence. T'as raté des couplets, t'en es pas sûr mais c'est ce que je pense. Je vous laisse parler, je vous calcule, hop. Les jaloux parlent mal, je les localise par Google Maps. Va niquer ta mère si tu parles sur Sino. Ton futur est gâché parce que tes projets tombent à l'eau. Mafia volume 1, copie pas mon chemin. T'as perdu tes couilles, ils sont dans la gueule du chien. Overdose de whisky, overdose de chicha. Embarcation immédiate, Brasilia. Trop de cul à Paris, ça va, c'est pas grand chose. Mais y'a de la chatte à Miami. Transfusion jusqu'à Charletti. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. J'ai commencé en bas, j'ai terminé en haut. J'ai sorti mes armes, ils sont tombés dans l'eau. J'ai sorti ma matraque, ils ont perdu leur crack. Mafia africaine, genre mafia algérienne. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Mafia volume 1, mafia volume 1. Yeah. Sino 2012. Mafia volume 1. Yeah.